Parce que Dieu te demande, donne-lui tout. Montre-lui ta loyauté, à lui seul, jusqu'au bout. Si tu le vois sur son trône, avec un sourire ravi, le jour où tu quittes ce monde, tu pourras rire de joie en fermant les yeux. Tant que tu es ici sur terre.